Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission des Bonnets Rouges. Ce soir, ça va, Rocky? C'était The Real McKenzie avec Fool's Road sur l'album West Wind. Et juste avant, c'était les Ramoneurs de Menhir avec Nomad. Yeah, hey, savais-tu que The Real McKenzie m'ont déjà fait une auto-promotion il y a longtemps, là. Et t'avais fait une auto-promotion? Ouais, genre comme en 2005 peut-être, là. En français en plus. Ouais, en français très cassé, là, mais ouais. Mais ils viennent quand même de la Nouvelle-Écosse, eux autres, donc. C'est quand même sympathique de leur part. Ouais. Pour plus, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc. Non, mais ils sont sympathiques comme groupe, là. Ouais. Je passe avec un groupe que j'aime beaucoup aussi, là, mais. Dont je passe plus souvent, c'est les Flogging Molly. Avec. On va s'écouter Selfish Man, on enchaînera ça avec Decline et le titre Unshored About. Et on suivra ça avec Beer for Joy et Left Lane Cruiser. Allez, yeah. On repart en musique. Care. Propel through all this madness, for your beauty and my sadness. We'll never change or rearrange, we'll finish what I started. And life leads me here. It showed me I have never really loved no one but me. Like the time you slipped through my hand, and I'll never understand why I'm such a selfish man. Selfish man. We'll be right back. Et c'était Left Lane Cruiser avec 24 heures sur l'album Junkyard Speedball. Et c'était précédé de Burford Joy et le titre No Big Day Out sur l'album Life in Babaloo. Et auparavant, c'était Unsure Boat et Decline et Selfish Man des Flogging Molly. Yeah! Ça, j'attendais une réaction de notre ami camarade B, puis je sais pas, je me suis demandé pendant un instant. La grippe. Ouais. Ouais. J'avoue que je suis pas en forme non plus ce soir, mais c'est pas grave, il y a une musique pour nous réveiller, pour se yes. Puis tiens, d'ailleurs, je vais m'écouter. Mais c'est un morceau que j'ai déjà passé il y a quelques temps, là, mais j'aime beaucoup, et puis quoi, c'est la faute à. C'est la faute au café dans lequel j'étais en train d'étudier jeudi, et puis qu'ils ont passé trois fois la version de Brel de Amsterdam. Alors on va s'écouter Hilo d'Amsterdam de Parabellum. Bon choix. Et on suivra ça avec J'aime pas d'Oberkampf. Bon mais choix. Mais j'aime Oberkampf et Parabellum. Allez, Hilo d'Amsterdam. Yes. Entrer dans le moule des gens qu'il nous faut suivre. Que l'on ne vienne pas me parler de que j'ai honte d'être français. Alors, la seule solution, gros, ben, c'est la mondialisation. Dans les villes, les campagnes, les chants des multinationales qui mettent des milliers de gens à paille, mettent des milliers de gens sur la paille. Vas-y, José, fais leur zion. Quand ces messieurs et mesdames auront fini de hurler, je vais présenter le morceau. Allez, vas-y. C'était les Sales Majestés avec Vas-y José, et puis c'était en live là. Mais je crois que tout le monde l'avait entendu, donc c'est une précision inutile. Et puis c'était sur l'album, tiens d'ailleurs, on va pourquoi pas le préciser, c'était sur l'album Sois Pauvre et Tais-toi. Il était bon cet album là aussi. Sois Pauvre et Tais-toi. Et on va continuer avec Total Chaos et avec le titre Delirium. C'était sur l'album Bad Trend on Smash End. Ça va brasser. Hein? Rebrasser. Ouais, puis on enchaîne ça avec Off With The Head et le titre I Just Want You To Know sur l'album Desolation. On termine ça avec les Bad Religion et le titre Robin Hood In Reverse sur l'album Through North. En fait, ça va brasser jusqu'à la fin de l'émission. Et tu me disais qu'il y a un nouveau Bad, tu l'aimes bien aussi. Hein? Ouais. Bah, généralement, je passe que de la musique que j'aime quand même. Ouais, non, mais faut dire qu'ils se sont rachetés depuis 3 albums. Ils ont recommencé à faire des bonnes choses, Bad. Là. Puis donc, du coup, on s'écoute 3 bons morceaux. Là. Yep. Si c'est bien ce qu'on avait décidé. Yeah. Allez, et on commence ça avec Total Chaos. Yeah. Ouais. Total Chaos. Chaos. We'll be right back. Bad Religion avec Robin Hood in Reverse sur l'album True North. Yeah! Il y en a qui s'attendaient à avoir un accent pourri, mais non, il l'aura pas eu. Non, écoute, le pire accent pourri que tu as eu, c'est celui pendant c'est l'émission. Ouais, je sais, là. Je sais, marde. Sérieusement, c'est ça que je te dis. Oh boy, où c'est qu'il est rendu, là? Et donc, c'est ça, c'était Bad Religion. Et puis juste avant, je te coupe la parole, là, c'est pas grave. C'était Off With Your Head avec I Just Want You to Know. Sur l'album Desolation, et juste avant, c'était Delirium des Total Chaos. Yeah, Delirium, Total Chaos. Oui? Oui, c'est bon, Total Chaos. Non, non, moi, j'attendais la suite, je sais pas, si tu partais à chanter quelque chose. Ah, mais... non. Finalement, il dit qu'il est grippé, mais il est quand même pas mal en forme. Hein, notre ami camarade B. Yeah. Il croit tous d'un côté derrière, là, je vous l'entendais. Excusez. Il fait semblant, là. Je suis sûr qu'il pète la forme, mais bon. Ouais. On va passer avec du francophone, tiens. On fait écouter un morceau d'Opium du Peuple, c'était sur leur dernier album, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, La Révolte des Opiumettes, avec Le Bal Masqué, une reprise. Elle est bien jouée. Puis ça va s'enchaîner avec Tagada Jones, le titre ANPE, et Trop de Lofofora. Autant dire que Tagada Jones et Lofofora, bah, tu sais qu'on retrouve sur Le Bal des Enragés, là, qui sont en ce moment en tournée. Ouais, puis d'ailleurs, Lofofora sont en spectacle mardi à Repentigny avec Union Jack. La question, c'est est-ce que je vais aller voir Le Bal des Enragés et Lofofora, l'un ou l'autre? Ou aucun. Puis ouais, vous, et le bal des enragés, c'est vrai, il faudrait le rappeler, sont en spectacle, eux autres, à Montréal, dimanche finalement, le 15 septembre. C'est ça, dimanche. Ouais. Bon. En attendant, on va s'écouter Opium du Peuple. Yep. Rock and roll! Je veux aujourd'hui, tout est permis. Dracula, Dracula, D'Artagnan, D'Artagnan, Cendrillon, Cendrillon, Jules César, Jules César, Harlequin, Harlequin, Superman, Superman, Colombine, Colombine, Napoléon, Napoléon, Pécassi, Pécassi, Casanova, Casanova, Marilyn. Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux, je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux, je veux. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal, au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser, danser, danser au bal masqué. Au bal, au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser, danser, danser, danser, danser. Dès que les cartons, dès que les cartons. Let's go. c'est bien trop de défauts. Une rencontre trop de bornes à dépasser. C'était Lophophora avec trop sur l'album dont je vais vous donner le nom tout de suite. C'était l'album Mémoire de singe, qui était l'avant-dernier album d'ailleurs. Puis juste avant, c'était Tagada Jones avec ANPE. Et deux groupes qu'on va retrouver dans le bal des enragés dimanche là peut-être. Ça va se voir si on va y aller, nous, en tout cas, de notre côté. Puis moi, ce que je vois, c'est que c'est déjà la fin de l'émission. Et on va se quitter avec Punish Yourself, dont tu es aussi un membre du groupe qui est dans le bal. Et on va s'écouter Punish Yourself USD, We Are Ready, sur l'album S'Explosive Locomotive. Non, ça va pas bien ce soir, là, si j'arrive même plus à prononcer des titres là, d'album. Là. Enfin, c'est la fin de l'émission et puis on reviendra en forme la semaine prochaine avec de la bonne musique, moi je vous dis. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Bonnets Rouges et puis aussi de Skypunk, là, tu sais, avant. Notamment un camarade B qui se manifeste derrière là pour dire effectivement retrouvez-moi d'abord. Enfin, allez, on se quitte avec Punish Yourself et à la semaine prochaine les amis. Self-made man, they're waiting for you. But only United States of Death are true to you. I don't mean to say, and no one can say to you, that there are no dangers. Of course there are risks if we are not vigilant. But we do not have to be hysterical. We can be vigilant, we can be American. Stimulated by tax.